Merci de votre écoute fidèle. Passez une belle après-midi à l'écoute de nos programmes. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Finalement, il se passe beaucoup plus de choses parmi les gens qui ne sont pas engagés ou qui ne se réclament pas forcément de grandes causes que chez des militants qui, en général, c'est vrai, vous reproduisent directement un discours assez attendu, sauf très rare cas. J'habite une campagne dans un petit village de 300 habitants, 80 km par jour en bagnole, et croit que c'est sa prime de 30 euros qui va nous faire changer d'avis, mais il peut se mettre dans son cul. On a donné au Royaume-Uni le droit aux consommateurs, aux associations de consommateurs, de porter plainte contre une grève qui entraverait le droit à disposer d'un produit ou d'un article en magasin. Pour qu'un syndicat puisse s'implanter dans une entreprise, il faut que, dans un premier temps, ce syndicat ait obtenu 30% de signatures, à la suite de quoi, dans un deuxième temps, il doit obtenir, sous la supervision de l'État fédéral, d'une agence fédérale qui s'appelle le National Labor Relations Board, il doit obtenir 50% plus une voix, donc la majorité des voix, qui exprime l'intention de se syndiquer et qui va donner, à la suite de ce processus, le monopole de la représentation au syndicat en question. Cette semaine, négociation ou dialogue de sourds. On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Oui, voilà. Écoutez, non, mais c'est sans appel. La grève. Nous évoquions hier quelques éléments historiques concernant les mouvements sociaux, avec entre autres la part qu'avait pu prendre, ô combien importante dans la transformation du monde, le syndicat polonais Solidarność. Aujourd'hui, un saut dans le temps, rendez-vous dans le monde des suicides en entreprise, dans le monde des GAFA, dans le monde des gilets jaunes. Le paysage aurait comme changé. Histoire vivante, cette semaine, la grève. Aujourd'hui, entretien avec Jean-Marie Pernaud, chercheur en sciences politiques. Oui, bah, les trois facteurs que vous évoquez sont évidemment les dimensions très importantes de Jean-Marie Pernaud, de ce nouvel état du monde social qui nous est proposé en ce début de 21e siècle. Et on voit que les syndicats sont assez peu outillés pour y faire face. Alors il y a évidemment les échecs répétés face au mouvement. Prenons-les un par un, même si d'une certaine manière ça fait système quand même. Vous avez raison de les mettre en liaison. Bah, les GAFA, c'est le nouveau visage du capitalisme contemporain, c'est-à-dire des institutions internationales qui ne sont contraintes par des règles très légères. Enfin, c'est elles qui créent leurs règles propres. Elles échappent à la fiscalité, elles échappent à tout ce qui a pu faire société dans les différents espaces nationaux. On le voit, il y a quand même des mouvements chez eux. Amazon, par exemple, était l'objet de contestations internes. Il y a beaucoup de grèves en Allemagne, d'ailleurs, chez Amazon. Il y en a eu un peu en France aussi. Mais les employeurs disent, enfin, pour eux, c'est inconcevable. L'idée même de négocier avec des représentants ne fait pas partie de leur représentation de ce qu'est l'entreprise et la libre entreprise. Le travail est au cœur des tensions de la société d'aujourd'hui. Évidemment, on est plus, ou en tout cas beaucoup moins, dans les conditions de travail de la révolution industrielle, avec du coup une transformation du rapport au travail, une transformation de l'objet même du travail. On manipule moins de matière, on manipule davantage de signes, mais on passe par des médiations qui sont celles du clavier écran ou du robot qui conduit les caristes des grands ateliers, des grands dépôts de stockage à aller chercher, distribuer les produits, etc. Donc un travail qui connaît des contraintes nouvelles et qui provoque des dégâts importants. Alors les restructurations, on est en plein en France dans le procès des dirigeants de France Télécom qui étaient venus donc le prédécesseur de l'entreprise Orange et le successeur des PTT, c'est-à-dire une entreprise qui est entre un service public et qui est en train de devenir une entreprise multinationale, qui doit pour ce faire surmonter les représentations dominantes parmi le personnel de leur rôle social, rendre service aux gens, prendre du temps pour faire ceci, cela, ne rentre plus dans le cadre contemporain d'une entreprise qui se veut sur un marché concurrentiel, qui doit être performante, afficher des résultats pour ses actionnaires, fonctionnaires, pour etc. Et donc là, il y a un choc absolument monumental qui se traduit par une politique d'entreprise sauvage. Enfin, on verra ce que dit le procès à la suite. Et effectivement, dans un univers très syndiqué, c'est ça qui est. Alors là, on n'est pas dans le cas des GAFA qui, bon, fonctionne pour l'instant dans une relative ignorance des syndicats, pas forcément ignorance des mobilisations, mais en tout cas des formes pérennes que sont les syndicats. Là, par contre, France Télécom est une interrogation, car c'était un milieu extrêmement syndiqué. Les syndicats, je crois, avaient du mal à y croire au début qu'une entreprise pareille puisse se livrer à ça. Bon, devant la recrudescence des suicides, des plaintes, des arrêts de travail, etc., ils ont pris en charge cette affaire, mais enfin, ils n'ont pas réussi par leurs propres moyens, en tout cas, à imposer un rapport de force à la direction d'entreprise. Donc c'est une vraie interpellation qui a eu lieu dans un milieu très syndiqué. C'est la vitesse qui est en cause, la vitesse de l'exécution du coup auquel le syndicat ou les syndicats n'arrivent pas à répondre, n'arrivent pas à esquiver. La violence, surtout. La violence. La violence. Alors, la vitesse peut en être un aspect, mais la violence sur le corps des gens, sur l'esprit des gens. Je pense qu'on peut vraiment parler de violence, quoi. C'est tout à fait. Et on est dans des formes de violence au travail, bon, dont la dominante n'est pas celle qu'elle était dans les même sous les ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, enfin à l'époque où les conditions, il y avait Saint-Cylor, il y avait 10-15 morts par an dans une usine sidérurgique, dans un bassin d'emploi à Longwy, c'était pas rare. Bon, aujourd'hui on a plus dans ces endroits-là de catastrophes quotidiennes comme ça. Donc on est dans un monde du travail qui est devenu extrêmement violent et bon, face auquel les syndicats visiblement n'ont pas ou plus la force suffisante pour imposer des normes. C'est certainement un des chantiers importants. Et pour boucler le triptyque que vous avez évoqué, bah, les Gilets jaunes sont en France une même interpellation du mouvement syndical. C'est-à-dire qu'on a... Bon, c'est un groupe extrêmement divers, y a tout dedans, il faudra un peu de temps pour d'observation, d'enquête, pour qu'on puisse véritablement cartographier ce mouvement. Enfin, il y a des travaux qui ont commencé, mais il faut un peu de recul pour le juger. Mais dans sa diversité, il montre quand même des gens qui sont extrêmement loin des traditions syndicales, en tout cas, même dans une partie du monde salarié. Bon, il y a aussi des indépendants, il y a aussi des petits chefs d'entreprise, mais on y trouve des agents de collectivités locales, des aides-soignantes, des professeurs, débutants ou plus, bon, qui sont un peu lassés des formes syndicales classiques. Les grands mouvements sociaux qui ont affecté la France entre 95, bon, je prends cette date. On peut le faire remonter un peu plus tôt, mais disons, en tout cas, en grande, entre 95, 2010, et puis les mouvements contre la loi travail ou contre les ordonnances Macron, c'était des grands mouvements sociaux encadrés par des syndicats qui, c'est une certaine codification de la protestation sociale. Et les syndicats sont des institutions de cette civilisation des mœurs de la relation sociale, hein, pour reprendre cette notion appliquée au conflit du travail. On a eu progressivement, à travers la convention collective, la manifestation déclarée, encadrée avec son service d'ordre, on a eu une institutionnalisation de la protestation. Le problème, c'est que malgré des rassemblements énormes de gens, ça a été le cas en 2009 et 2010 en France, on a eu des manifestations qui avaient la même ampleur que celle de mai 68 en nombre de participants. Le mouvement contre les retraites a incroyablement mobilisé le pays. J'ai souvenir de manifestations dans les petites îles bretonnes, 1000 habitants, bah, il y avait 100 manifestants. Dans tous les cafés, on parlait que de ça. C'était un moment très intense de mobilisation du pays, un pouvoir politique totalement sourd. On a un système politique aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Europe, et en tout cas singulièrement en France, mais les Espagnols ont un peu le même problème, qui est que le système politique s'est refermé à la demande sociale. Et qu'on a le sentiment qu'au contraire, les gouvernants tirent une légitimité de leur capacité à ne pas répondre aux demandes sociales formulées parfois à travers de grands mouvements sociaux. Et bah oui, mais quand on fait ça pendant 10 ou 15 ans, il ne faut pas s'étonner d'avoir après des mouvements qui ne respectent plus ces codes-là. Non, moi, le carburant, perso, j'en ai pas spécialement... Enfin, j'en ai rien à foutre, pour être clair. C'est pas la hausse du carburant, c'est toutes les hausses. C'est toutes les hausses qui nous saignent. Moi, j'habite une campagne, dans un petit village de 300 habitants, 80 km par jour en bagnole, et croit que c'est sa prime de 30 euros qui va nous faire changer d'avis, mais il peut se mettre dans son cul. Jean-Marie Pernaud, vous avez regardé pour nous le documentaire qui sera diffusé dimanche soir sur RTS2, signé Véronique Rotelli, au pays de la paix du travail. L'action se passe, on aura l'occasion de le découvrir, en 1976, au Val de Travers, et là, stupéfaction, un mois de grève, avec l'occasion pour les acteurs de l'époque de regarder au travers d'archives qui ont été alors filmées, leurs actions, quelques-unes de leurs journées, quelques-unes des rencontres, beaucoup de leurs désappointements. Qu'avez-vous pensé de ce documentaire ? Avec un regard rétrospectif des acteurs qui est tout à fait riche et passionnant. Alors, c'est 80 km de Besançon. Et c'est en 76, c'est-à-dire à une période où le conflit LIP a exercé une fascination un peu en France. Il a rayonné très, très loin. Et en même temps, on est face à des univers totalement différents. La Suisse romande, la Franche-Comté, qui avait une tradition de conflictualité assez, assez élevée. Mais j'ai trouvé ce documentaire très intéressant pour ça, parce qu'on voit bien finalement les différences de culture entre les deux pays, c'est l'évidence. Mais en même temps, dans le déroulement de la grève, j'ai trouvé très intéressant, et j'invite les téléspectateurs à venir à y être attentifs, c'est la façon dont les gens expliquent ce qu'a changé la grève pour eux. Je vais vous dire, après la grève, quand il y a eu la fermeture, après la fermeture de Dubier, il y a eu quand même des gens qui se sont supprimés la vie. On en a eu trois qui se sont... Je veux dire, c'était vraiment... C'était des gens qui avaient investi toute leur vie là parce qu'ils avaient un travail de sûr. Et tout d'un coup, ils ont vu que ça a été... C'était perdu. Et ben, ils avaient des dettes, ils avaient acheté une maison, ils avaient... Et ben, il y en a un qui s'est pendu, un qui s'est tiré une balle dans la tête. C'était vraiment critique, je veux dire, c'était pas facile. À quel point l'entrée dans la grève a un coût pour l'individu ? Parce que même dans un pays comme la France, où il y a une tradition gréviste, il y a les milieux d'employés, par exemple, c'est pas tout à fait vrai. J'ai connu des grandes grèves dans les années 70 et 80, où c'était des gens relativement nouveaux dans l'action collective qui arrivaient. Et finalement, cette découverte de ce que ça signifie... S'affirmer contre un certain ordre établi, prendre conscience de soi aussi des difficultés. Il y a un intervenant qui dit, mais moi avant, j'avais peur d'appeler l'horloge parlante. Quelqu'un qui, et finalement, au cours du, le conflit est un révélateur de la découverte des autres et de soi-même aussi. Des gens qui, dont la vie a été transformée après. Parce que, à travers ce conflit, ils ont découvert des valeurs de solidarité, de ce que eux-mêmes aussi étaient capables de dire, de d'affirmer dans ce message. Je trouve que c'est très intéressant, c'est bien montré par des témoignages. Et ça, on retrouve ça dans, par-delà les grandes différences de tradition et de culture, on le trouve dans l'analyse d'à peu près tous les conflits qu'on peut faire. Histoire vivante, suite de l'entretien avec Jean-Marie Pernaud. Si le documentaire de Véronique Rotelli au pays de la paix du travail ne l'évoque pas tellement, j'aimerais bien avec vous avoir une dernière partie d'entretien sur le chapitre non abordé de la négociation. Vous êtes-vous, Jean-Marie Pernaud, trouvé au cœur d'une ou de plusieurs négociations, mais peut-être d'une qui vous a particulièrement marqué? Je dirais, moi, en termes de dramaturgie, que la négociation, c'est un acte absolument passionnant à suivre, à écouter, voire à filmer, mais comme rarement les caméras se trouvent présentes, on en est toujours un tout petit peu naturellement exclu. Est-ce que vous pourriez peut-être, dans votre mémoire, aller fouiller pour nous faire ressurgir comme ça une scène ou une séquence qui aurait pu vous marquer concernant la négociation? Alors là, c'est plus le chercheur, mais l'acteur qui peut mobiliser ses souvenirs. J'ai souvenir effectivement d'une grève dans les années 80, dans l'entreprise où j'étais, qui est partie d'un atelier de saisie informatique. À l'époque, il y avait beaucoup d'ateliers où les jeunes femmes, parce que c'était essentiellement des jeunes femmes, étaient assignées à un travail assez répétitif de saisie de données. Et qui est, il y avait très peu de syndiqués dans un coin de France, à Nantes. Le conflit est parti sur des problèmes d'écran, de changement d'écran, à l'initiative de la direction. Il y avait très peu de syndiqués dans ce secteur. On ne connaissait pas très bien la situation réelle. On l'a découvert au fil du conflit. Et c'était une population de jeunes femmes qui avaient à peu près toute la même histoire. Elles avaient été recrutées à la sortie de BEP professionnel. C'était une génération, en fait, qui était rentrée au travail et qui, au bout de 8 ou 10 ans, en réalité, on l'a découvert, on avait ras-le-bol, quoi. Il y avait, au-delà, ça s'est fixé sur quelque chose, sur un événement, mais en fait ça traduisait un ras-le-bol considérable. Alors les syndicalistes que nous étions, on a mis un petit peu de temps dans la discussion avec elles à comprendre ce qui se passait, évidemment les aider à formaliser elles-mêmes leurs propres revendications, leurs propres et présenter ça à la direction de l'entreprise. Alors, la direction à l'INSEE, il y a 90% de polytechniciens. Enfin, c'est une entreprise à haut niveau de connaissances. Au niveau neuronal, voilà. Une intensité neuronale importante, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. Alors nous, on avait mis du temps pour comprendre. Mais... Rien compris ou fait semblant de ne rien comprendre? Non, je crois qu'ils avaient sincèrement pas compris, parce qu'on j'en ai eu l'occasion d'en parler, moi, après, plusieurs années après, avec certains acteurs de la direction, et qui m'ont dit on n'a pas compris ce qui se passait. Et du coup, très très faible culture de négociation. Et là, pas parce que c'était pas le patron de droit divin ou même le directeur là, de l'entreprise de Dubié qu'on voit dans le documentaire, qui lui s'affirme, assume totalement, etc. Là, non, on a affaire à des hauts fonctionnaires qui sont tous sauf idiots, qui ont un sens du bien commun, c'est en dehors de leur cadre, et surtout, ils ne savent pas ce qu'est une négociation, c'est-à-dire comment on construit un compromis. Donc, mais c'était très difficile d'opérer la médiation, parce que les employeurs avec qui on négociait, ils refusaient de voir le problème pendant très longtemps, et puis comme c'était insolvable, à la fin, ils ont cédé sur tout. Mais vraiment, surtout. De manière qui nous avait beaucoup surpris, parce que, en général, une négociation, c'est un compromis. On essaie de qu'aucune des parties ne soit définitivement perdante. L'important est de ménager à chacun une sortie honorable, donc un compromis doit servir à ça, ne serait-ce que pour assurer des conditions de reprise du travail qui soit convenable pour les agents. La dignité, c'est très important, je l'ai évoqué tout à l'heure, et qu'elle le soit aussi pour la direction, qui n'a pas forcément à perdre tout visage parce qu'elle se serait trompée sur quelque chose. Après tout, tout ça met en interrelation des êtres humains, et il faut prendre en compte cela pour les deux côtés du tour de table. Et là, j'avais été extrêmement frappé de constater que, faute d'être capable de construire ce compromis, on était soit dans le refus total d'entendre et de comprendre, soit dans le fait qu'ils ont tout lâché à des points peu responsable d'ailleurs, nous-mêmes étions assez surpris en nous disant « Ouh là là, qu'est-ce qui va advenir de cet atelier avec une reprise dans de telles conditions ?» Bon, on s'est rendu compte plus tard que l'administration avait finalement intégré qu'il n'y avait pas de solution de son point de vue et que bah elle acceptait tout, mais que en fait c'est le processus même de travail qui allait être transformé et qui rendrait inutile cet atelier à 5 ou 10 ans. Quoi. Donc... Monsieur Bordery, vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas un an, pas deux ans, pas trois ans, pas quatre ans, au moins cinq ans. Est-ce que vous tenez votre parole, vous? Oui, le groupe, il a tenu ses promesses d'investissement. On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Oui, voilà. Écoutez, non, mais c'est sans appel. La justice, aujourd'hui, est là pour dire non à la fermeture de l'entreprise. Dans la Constitution est inscrit la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre veut dire qu'un patron peut ouvrir et fermer une entreprise. Une entreprise qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices. Ça veut dire quand on a un PDG qui a dit à un ministre « Allez vous faire foutre, moi je fais ce que je veux ». Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés? On sent personne dehors. C'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères. Allez où la parole? Je me bats pour un chèque qu'on va toucher à la fin de chaque mois. C'est pour ça qu'on doit se battre, tous ensemble. On n'a plus rien à perdre. Je vous demande de partir. C'est illégal. Entendez ce que je vous dis. On ne bougera pas. C'est fini. Elle est fermée, cette usine. On est en train de crever et on se fout sur la gueule. S'il n'y a pas de rencontre, un débouché qui reprend le dialogue, ça va vraiment dégénérer. Histoire vivante, suite de l'entretien avec Jean-Marie Pernaud. Avez-vous été un bon négociateur? Qu'est-ce qu'un bon négociateur? Puisqu'on n'en a pas tellement, par exemple, à l'écran, quoique parfois certains films s'intéressent à cette figure-là dans l'entreprise. Je pense notamment à un acteur comme Vincent Lindon qui à plusieurs reprises comme ça est apparu sous ce type de trait-là. Mais cette figure-là reste encore extrêmement absente, mystérieuse, disons. Oui, enfin, le personnage de Vincent Lindon apparaît surtout dans ce film. En guerre. Mais qui s'appelle En guerre. Hein. Et il n'y a pas beaucoup d'armistice hein, dans cette guerre. Ça finit même tout à fait dramatiquement. La figure de la négociation n'est pas... Alors, c'est pas lui qui la porte, d'ailleurs, dans le film. Hein. Elle est portée par d'autres acteurs syndicaux, mais qui ne la trouvent pas beaucoup non plus. Hein. Ça, je pense que c'est l'histoire longue des relations sociales en France qui montre quand même qu'il y a fort peu de négociateurs d'un côté de la table comme de l'autre. Et je pense que ça. Au sens où ils ont disparu? Non, ils n'ont pas disparu. Je pense qu'ils n'ont jamais été vraiment très consistants. Regardez, si vous voulez, les grands mouvements sociaux qu'on a connus, 36, 68, par exemple, qui sont des grands moments de grève générale, où on finit par s'asseoir autour de la table, mais à l'invitation de l'État. Pour accorder quoi? Pour accorder, en 36, ce que les Allemands avaient obtenu en 1918, le droit de représentation dans l'entreprise, des conventions collectives pour négocier régulièrement la réévaluation des salaires, le droit de reconnaissance des délégués du personnel, hein, tout ce que les Allemands avaient obtenu. Bon, dans un contexte compliqué en 1918, mais 36 n'était qu'un rattrapage, y compris sur les salaires. 68, là on qu'obtiennent les syndicats la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, qu'ils ont essayé de négocier pendant une décennie avec le patronat, qui ne voulait pas en entendre parler. Une augmentation des salaires, certes spectaculaire, mais qui n'était qu'un rattrapage. De même, la grève des mineurs en 63 aussi, c'était une grève pour le rattrapage des salaires. Donc on est là à l'envers d'une situation où on a un patronat qui ne négocie pas. Alors, pourquoi il ne négocie pas? Ça lui tombe pas du ciel non plus. C'est que je crois qu'en France, alors ça, tous les observateurs des relations sociales en France le relèvent. En France, les employeurs et les syndicats, les organisations d'employeurs et les syndicats ne se parlent pas. Elles parlent toutes les deux à l'État. Et c'est l'État qui arbitre. Et dans certains cas, d'ailleurs, pendant toute la période, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Enfin, je n'aime pas beaucoup cette expression, parce que quand on travaillait dans les usines, ce n'était pas si glorieux que ça. Mais pendant toute cette période où il y avait des gains de productivité à redistribuer, ça se faisait pas par la négociation directe entre patronat et syndicats. Ça se faisait à coup de pression sur l'État, qui arbitrait, et qui arbitrait parfois d'ailleurs en faveur du pouvoir d'achat. En 76 encore, Monsieur Chirac est Premier ministre, eh bien, on instaure un congé formation d'un an pour les chômeurs avec 90% de leur salaire antérieur maintenu. Donc, on a un État qui est sous pression de la mobilisation sociale et qui arbitre, là, dans ce cas, en l'occurrence, en faveur de la revendication portée plutôt par les syndicats. Et donc, eh bien, l'État est l'arbitre. Et chacun a intégré ça. Et du coup, à quoi bon faire des compromis ? Mais ça, c'est une spécificité française. On ne la retrouve, par exemple, pas en Italie ? Non. Non. Non, on ne la retrouve pas en Italie. On ne la retrouve pas tellement en Espagne. Moi, je pense que c'est la place de l'État. C'est la place de l'État qui est la question centrale. Et c'est pas très nouveau, hein, dans notre pays. Pourquoi on la retrouve pas en Italie? Parce que l'État n'a pas la confiance des acteurs sociaux en Italie. D'abord, il y a eu 25 ans de fascisme qui ont écorné un peu l'idée d'un État neutre et qui pourrait arbitrer en faveur des travailleurs. Et puis, on sait bien le peu de consistance, hein, de l'administration publique. En Italie, qui font que les acteurs syndicaux n'ont pas confiance, et que le capitalisme italien, qui est levé au nord du pays, s'est aussi dispensé de s'appuyer sur l'État. En Allemagne, on a camouflé l'État à travers les Länder, et puis là aussi, l'expérience historique d'un État fort a conduit à limiter la confiance absolue qu'on pouvait avoir dans la régulation étatique. Et dans les pays nordiques, la question de l'intérêt général n'est pas reconnue. L'État n'est pas reconnu comme le garant de l'intérêt général. C'est l'ensemble du système d'échange social qui peut garantir l'intérêt général, mais on ne donne pas cet attribut à l'État, alors qu'en France, toutes les formes sociales s'inclinent devant le rôle d'intérêt général que représente, que figure l'État et le système de droit qui en découle. Je pense que c'est une des faiblesses des relations sociales françaises, et malheureusement une des faiblesses incarnées par le mouvement syndical, parce qu'on peut retrouver ça dans les caractéristiques même du syndicalisme français. À quand le réaménagement des locataires de l'Élysée à Versailles? Jean-Marie Pernaud, on vous remercie pour cet entretien. Si l'on veut vous lire, alors il y a cette grève, La Grève, que vous avez co-signée avec Guy Groux, et puis peut-être un ou deux autres ouvrages. Un ouvrage que j'ai mis à jour en 2010, qu'on trouve chez Folio, qui s'appelle « Syndicat, lendemain de crise, point d'interrogation », où je me posais cette question au début des années 2010, et qui, je pense, a gardé une certaine actualité. Autrement, j'ai écrit avec des collègues récemment, mais un ouvrage qui est en anglais sur le site de l'Institut syndical européen, sur les syndicats en Europe après la crise de 2008-2009, et qui met en regard un peu les situations nationales, là dans une version très, très actualisée. Et puis divers chapitres dans des ouvrages historiques, ici ou là. Demain, à la suite de cette semaine consacrée à la grève, avec un éclairage sur ce qui se déroule aux États-Unis, en compagnie de la chercheuse Catherine Sauvia. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.